Chapitre 7e, témoignage. Les gendarmes ont communiqué le dossier complet de l'accident de Lubaye. L'enquête révèle que 5 familles ont quitté la région depuis et il va falloir faire avec cette nouvelle difficulté. L'interrogatoire des parents des victimes commence long et fastidieux. La plupart des parents éprouvent un malaise évident à reparler de cet accident. Certains maris demandent même comme une grâce que leur épouse ne soit pas interrogée. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi on leur reparle de cette affaire. Il faut leur expliquer qu'ils sont des suspects potentiels dans l'assassinat de Guelmard. Ce qui pourrait faire soit de les étonner grandement, soit de les mettre hors d'eux. Voici quelques exemples de dépositions des parents. Les gendarmes ont été incapables de déterminer les causes exactes de l'accident. Il n'y avait personne qui suivait le car, et la première voiture qui est passée après l'accident n'a rien vu. C'est le chauffeur qui a prévenu les secours en parvenant à remonter sur la route, et les premières personnes qui se sont arrêtées n'ont rien trouvé de mieux que de donner de l'alcool de menthe au chauffeur. C'est sûr que quand il est arrivé à l'hôpital, il avait de l'alcool dans le sang. Vous savez, moi, si j'avais voulu le supprimer, je l'aurais fait tout de suite, sans attendre le jugement. De toute façon, les jugements, on sait bien qu'ils ne sont jamais équitables. Oui, bien sûr, j'ai voulu le tuer, mais je ne savais pas comment m'y prendre, et après, la colère a disparu. Il ne m'a resté que le chagrin. Je voulais lui montrer ce qu'il avait fait de mon petit, mais la police n'a jamais voulu me donner son adresse. C'est sûr que s'il était mort avec les gosses, vous ne seriez pas en train de me poser autant de questions. Je veux dire que sa culpabilité n'aurait peut-être même pas été suspectée. Il est mort, ah ben tant mieux. Ça fait un con de moins sur terre. Mais moi, je ne me serais pas fatigué à l'écraser, je vous le dis. Je lui ai foutu un coup de chevrotine dans la tête. Vous savez, si ça se trouve, l'assassinat n'a rien à voir avec le drame de la rivière. C'est moi qui l'ai tué, je vous le dis. Hein? Et comment vous êtes-vous pris? Demande l'enquêteur. Je l'ai coincé contre un mur avec ma bagnole et blanc, je l'ai ratatiné. Chacun donne son interprétation de l'affaire. De fait, les enquêteurs s'attendaient à plus de haine et de rancœur de la part des parents. Mais pour la plupart, ce qui domine, c'est une immense peine, sans haine et sans désir de vengeance. Un peu comme si l'incommensurable chagrin qu'ils avaient éprouvé les avait vidés de tout autre sentiment possible. Dans ces conditions, il est difficile de demander des emplois du temps et des alibis. Les enquêteurs y vont au feeling complet, et ça ne donne pas grand-chose. Le juge, informé au fur et à mesure, a bien conscience qu'il faudrait un miracle pour parvenir à un indice tangible de cette façon. « Arrêtez tout, Volpi. Il faut absolument qu'on soit plus au clair sur le mode opératoire du crime, au moins ça. Mettez-moi des chiens policiers sur l'empreinte que vous avez trouvée, on ne sait jamais. Moi, je ne crois pas à la vengeance d'un des parents. Ben, c'est évident. Mais je ne me permets pas de le lui faire remarquer. » Le lendemain, un brave berger malinois finit par indiquer à coups de truffe une relation entre l'empreinte de pneus du chemin et l'endroit de l'accident. Les gendarmes ont discrètement fait remarquer qu'avec eux, l'enquête aurait avancé beaucoup plus vite, les chiens étant leurs auxiliaires zélés et fidèles.